ça sent la guerre. Je m'en bats les couilles, où sont mes rouilles? Ça sent la douche, garde les pieds sur terre, alléluia. Ah, alléluia, maintenant je me débrouille. Alléluia, maintenant je me débrouille. Ma maman la trouve pas, elle dort plus à la maison. Son papa la trouve pas, elle dort plus à la maison. Sa maman la trouve pas, elle dort plus à la maison. Son papa la trouve pas, elle dort plus à la maison. Maintenant ce qu'elle aime c'est les caleçons. Elle doit s'appeler dans les caleçons. Ma qui s'appelle dans caleçon. Maintenant toute sa vie c'est caleçon. Maintenant ce qu'elle aime c'est caleçon. Dans les caleçons, ma qui s'appelle dans caleçon. Maintenant toute sa vie c'est caleçon. Ambiance Mossa, pour elle c'est dur de procéder, elle a cédé, et là c'est pire, le mal s'étire, elle aime les grosses écuries, et les gros caleçons, elle sait les sentir, pour elle c'est dur de procéder, elle a cédé, et là c'est pire, le mal s'étire, elle aime les grosses écuries, et les gros caleçons, elle sait les sentir, ma maman la trouve pas, c'est qu'à le temps.